c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vous écoutez la Tribune des Aigles avec Simon La Liberté en direct du stade Fernand Bédard et Mathieu Plante au studio de C'est fou 89.1 FM. De retour au stade Fernand Bédard pour cette émission d'après-match du baseball des Aigles. En fait, c'est la première tribune téléphonique de l'histoire des Aigles présentement. Et Mathieu, on a déjà un premier appel. Absolument, Simon, on a un premier appel de l'histoire, comme tu viens de le dire. Donc, je te présente M. Denis Baillargeon, qui est en ordre avec nous. Bonsoir, Denis, ça va bien? Ça va très bien, Simon, sauf la défaite encore une fois, mais pour ce qui est du reste, ça va très bien. Qu'est-ce qui vous agace, Denis, de ce début de saison des Aigles? Manque de constance au niveau de l'offensive. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu crois que les joueurs qui sont en place sont la solution ou encore on doit transformer cette équipe? J'aimerais te dire oui, mais je pense que tu as la solution en faisant une transformation à certains endroits. Il manque de punch, là. Et il se passe rien au bâton, puis ça, c'est pas très bon pour nos joueurs, dans le sens que si tu n'as pas de victoire à Trois-Rivières, ça va être néfaste. Le stade va se vider. Est-ce que vous croyez vraiment que les défaites peuvent... que les partisans quittent le stade ou c'est vraiment que l'événement que les partisans aiment? Écoute, l'événement, c'est intéressant, mais quand les gens sont habitués à un certain degré de rendement... On est rendu à 3 victoires, 13 défaites. Là. Il faut qu'il se passe de quoi là, pour pas qu'on s'enlise trop. Là. C'est très ordinaire, hein, on va l'avouer à Denis, que ce début de saison ne passe pas à l'histoire. Je trouve ça de valeur pour des gens de la direction qui se désarment à faire des promotions. Puis, si tu gagnes pas, les gens viendront pas. Là, écoute... C'est assez important au niveau de l'ambiance. On l'a vu encore hier, là, dans la première partie du double. Là. C'était phénoménal, l'ambiance qu'il y avait là par l'enthousiasme et l'énergie des jeunes. Là. C'était. Même ça m'a surpris que les joueurs ne soient pas soulevés un peu par rapport à ça, mais ça, c'était une autre question. Tout à fait, Denis. En terminant, avant de vous laisser partir, j'aimerais connaître quel joueur de l'an dernier vous manque le plus présentement avec les Aigles? Écoute, moi, ce que j'aime beaucoup comme joueur préféré, c'est j'ai toujours eu un faible pour les lanceurs. Mais j'avoue qu'un gars comme Hurtler nous manque cruellement parce que lui, il agissait comme une bougie d'allumage. Tout à fait. Hurtler était utilisé comme premier frappeur l'an dernier et souvent bien il sûr, atteignait les sentiers. Bien sûr, puis. Il pouvait apporter une stabilité soit au champ ou encore à notre grande surprise l'année passée, au deuxième but. C'était un gars qui était assez polyvalent. Ce soir, par contre, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par le jeu en défensive de Matteo. Ouais, il y avait au premier but, mais au champ gauche, là, j'ai trouvé qu'il a fait un jeu assez superbe. Tout à fait. Très bon point, Denis. Merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion ce soir. Et je profite de l'occasion pour te dire que tu fais un excellent travail. Et merci beaucoup, Denis. Bonne fin de soirée. OK, bye. Donc, on vous invite à composer le 819-376-5183 pour appeler Mathieu en studio qui, lui, va vous permettre de nous parler à moi et à tous les autres auditeurs ce soir sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Je profite de l'occasion pour faire un petit... résumé du match. Donc, à l'offensive du côté des Aigles, ça a été encore une fois très pénible. On regarde les chiffres. Ruiz 1-3, Coyle 1-4, Matteo 2-3. Eux, ils ont été les meilleurs des Aigles à l'offensive. Le reste, bien, Morales encore une fois n'est pas capable d'atteindre les sentiers. Brown, faut se l'avouer, ça a été difficile ce soir. 0-4, notamment 3 retraits au bâton. Donc, on doit trouver une solution du côté des Aigles pour créer davantage d'offensives. puisque Denis en parlait. Les lanceurs ont été très bons ce soir et depuis le début de la saison. Munoz, un départ solide, il faut se l'avouer, mais la relève a encore été bonne. Leblanc fait du bon travail sur la butte, mais encore une fois, les bâtons n'ont pas été capables de produire. Mathieu, on a un autre appel? Oui, on a Charles Bournival qui veut nous parler de la défaite de ce soir et je pense des nombreuses défaites des Aigles. Le voici. Bonsoir Charles, ça va bien? Bonsoir Simon, très bien, merci. Très heureux de te parler Charles. Tes impressions sur match et sur le début de saison d'Aigles? Oh, écoute, vraiment, c'est un match, c'est 5-1, mais Steve Brown, je sais pas qu'est-ce qu'il se passe avec, tu sais, il fait souvent des circuits, là, sur la lune. Il manque ça, là. Tout à fait, parce que Brown, en début de saison, il avait été excellent. Deux coups de circuit oui. Dès les premiers matchs, mais par la suite, blessure à un coude qui semble ennuyer présentement, mais il veut tenter de jouer pareil, et ça le nuit peut-être présentement. Oui, j'ai hâte qu'il retrouve sa force. Oui, sa force, puis on en va en avoir besoin, puisque Brown est utilisé au quatrième rang des frappeurs. Il est noyau de cette équipe. Avec la perte de Pedro Lopez l'an dernier, la perte de Herrera qui ne peut pas jouer cette année, Brown doit prendre le lead de cette équipe. En fait, il doit prendre, excusez-moi l'expression, là, mais il doit prendre... pardonnez-moi, présentement, c'est très laborieux la communication, puisque je m'entends en double présentement, donc c'est peut-être difficile, mais on va tenter l'expérience quand même. Donc, Charles, est-ce que tu es découragé de ce début de saison des Aigles ou tu crois que l'équipe va être capable de revenir? Ben, écoute, je crois que l'équipe va bondir. C'est juste 3 victoires en 5 matchs. Ils vont s'en prendre, inquiète-toi pas. Mais ce qui manque le plus, c'est Pedro Lopez, comme tu l'as dit. Mm. Tu sais, j'ai vu le match contre les Capitals, je pense, le 11 juin de l'an passé, sur circuit de 3 points. Hey, j'étais surpris là, de voir ça. Là. Hey, mais quelle claque, là! Wow! Ça, c'était très quelque chose de spécial, Charles, puisque je me rappelle qu'après le match, j'avais parlé à Pedro Lopez et il me disait qu'Aubin, il avait prédit qu'il allait claquer la longue balle. Et auparavant, il n'avait jamais claqué de coup de circuit avec les Aigles. Ce fut un moment très spécial. Mais là, tout à fait, Lopez manque à l'équipe. Herrera manque à l'équipe. Et ça va être difficile pour les Aigles. Ah, mais espérons aussi que, en parlant de ça, Seigneur Daniel Matteo force aussi. Oui, Matteo fait son possible, elle connaît des bons matchs au bâton, mais elle ne peut pas transporter cette attaque tout seul. Mm-hmm, c'est vrai. Et sinon, Charles, toi, est-ce que tu penses que les Aigles vont être capables de revenir rapidement ou la séquence de défaites va s'allonger? Ben, elle pourrait s'allonger, mais je suis quand même positif, ils vont revenir à la victoire. Il faut, puisque le temps commence, sans dire que le temps commence à manquer pour les séries. À 3 et 13, c'est quand même difficile à remonter, mais les partisans doivent demeurer positifs, doivent continuer d'encourager l'équipe. Et au final, je suis convaincu que les Aigles vont s'en sortir et que Coach Lavoie va trouver une solution. Oui, mais attends un peu le 19 juin, donc j'arrive, là, tu vas me voir là, le 19 juin, on met ça ensemble, là, ça va donner de la force. C'est vrai, Charles, puisque tu seras mon invité pour ce match-là. Donc, on va passer quelques manches ensemble. J'ai très hâte de connaître et de parler avec toi. Moi aussi, j'ai hâte, Simon. Parfait. Donc, merci beaucoup, Charles. Merci, Simon. On se voit le 19. Au revoir. Au revoir. Donc, merci pour l'appel de Charles et de Denis jusqu'à maintenant. On vous le répète, c'est la première tribune téléphonique de l'histoire des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Et ça va très bien pour le moment. Et les Aigles, bon, dossier de 3 et 13, c'est certain que les gens ne sont pas très contents du début de saison de l'équipe. Et les partisans semblent s'impatienter. On le voyait à la fin du match tout à l'heure. Les gens veulent des victoires, veulent des points. Et lorsque l'équipe perd de la sorte, et surtout c'est la pression qui là est sur les épaules des joueurs des Aigles, tentent de se sortir de cette impasse. Mais lors de chaque défaite, lorsque l'équipe marque un seul point, on voit l'équipe, non pas se décourager, mais voir regarder devant eux et on dirait que c'est une colline qui est impossible à remonter. Donc, pour les Aigles, bien, dossier de 3 et 13. Ils s'en vont à Rockland cette semaine. Ça va être difficile, mais à Rockland, les Aigles ont déjà connu du succès là-bas. On se souvient, ont déjà remporté la série demi-finale l'an dernier au 5e et ultime match face aux Boulders. On va avoir un Matthew Rush en pleine santé sur la butte à Rockland lors d'un de ces matchs. Et du côté des lanceurs, on doit continuer puisque les lanceurs vont très bien. C'est les frappeurs doivent trouver une solution rapidement. pour frapper les balles plus en force. Mathieu, on a un troisième intervenant avec nous. Eh hey boy, t'allais vite! Oui, on a un troisième appel, enfin, on l'attendait depuis un petit moment, c'était notre premier appel au début de l'émission, et là, on a pu contacter, donc c'est Serge Gauthier, qui veut nous parler en général des aigles, même si moi, je pense que les aigles ont plus l'air de jouer aux échecs qu'au baseball. Gag, voilà. Donc, je te le mets en nom tout de suite. Serge, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Simon. Qu'est-ce que vous pensez du match de ce soir? Bien, c'est bien de valeur parce que le début de saison, les quatre premiers matchs de la saison, les Aigles frappaient comme des déchaînés. Et malheureusement, là, depuis ces quatre matchs-là, l'offensive est tombée en panne d'une façon incroyable. Et puis là, aujourd'hui, dans les trois derniers matchs, on a compté 2 points. Alors, oui, c'est impossible de gagner des matchs de cette façon-là, tu sais. Puis on n'a quand même pas été déclassé au niveau de la défensive parce qu'on a perdu un match 3-1, un match 3-0 et puis aujourd'hui 5-1. Puis les deux derniers points ont été marqués sur une erreur. Ça fait que, t'sais, et vous faites très bien de le mentionner, Serge, puisque les Aigles sont dans le coup jusqu'à la fin. Souvent ouais. Jusqu'à la toute fin, mais c'est le manque d'offensive qui fait en sorte que l'équipe perd. Oui. En passant, je considère, moi, cet après-midi, là, dans la 8e manche, là, c'est-à-dire à la 9e manche, début de la 9e manche, le marqueur officiel a fait une erreur à s'accorder un coup sûr, parce que c'était définitivement une erreur de l'aréco, parce que sinon, on aurait eu un double jeu. Puis la manche était finie là, tu sais. Tout à fait. Et je me promets d'aller aux informations après le match, à savoir pourquoi la personne en charge du tableau d'affichage n'a pas mis une erreur au lieu d'un coup sûr. Donc, je vous reviens jeudi prochain avec la réponse sans faute. Bon, ben c'est très bien. Et sinon, Serge, est-ce que vous êtes sur 10? À quel point vous êtes découragé présentement? Oh non, je suis pas découragé. Le baseball, c'est comme ça. On a des bonnes séquences, on a des mauvaises séquences. L'année passée, les Aigles ont connu une mauvaise séquence de 8 matchs d'affilée en défaite. Et puis après ça, ça a été la grande joie, puis on s'est rendu jusqu'à la fin. Alors, à partir de demain, ça peut changer complètement. Mais ça, c'est le baseball. Tout à fait. C'est pas comme le hockey, c'est pas comme d'autres sports. C'est bien, bien spécial. Puis, faut garder le cap, faut garder confiance. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de garder confiance parce que je crois définitivement qu'on a une très bonne équipe. Maintenant, est-ce que les autres équipes ont des lanceurs qui sont meilleurs que nos frappeurs pour le moment? Je ne penserai pas. Je pense tout simplement que c'est une mauvaise passe. Et si vous avez un changement à faire présentement, si vous étiez Pierre-Luc Laforêt, quel changement feriez-vous? J'en aurais pas à faire. Ah non? Non, j'en aurais pas parce que l'équipe qu'on a là, à mon avis, a le coup de bâton nécessaire, on a la défensive nécessaire, on a les lanceurs qui sont capables de nous amener loin. D'ailleurs, les lanceurs font bonne figure, on perd des matchs par 1, 2 ou 3 points, t'sais? Et puis pas par des grosses différences, là. Des matchs de 3-1, 3-0, là, 5-1, surtout 5-1 après une erreur, là, t'sais. Non, moi, je vois pas de changement, même il y en a fait, là. Il a remercié Carenza puis Harris aujourd'hui ou hier. Et puis, je comprends ces deux gestes-là. Harris, je crois que, défensivement parlant, avait de la difficulté à jouer au deuxième but. Je ne sais pas si c'est sa position habituelle, ça. Mais de toute façon, on aurait dit que ses lancers au premier étaient toujours erratiques. Carenza, évidemment, il a frappé un circuit dans le premier match, mais ça a été le début de la fin pour lui. Et Carenza, c'est décevant parce que lui, c'est un joueur de statut recrue. Et on croyait que du côté de la forêt, que Carenza aurait été capable d'être un bon recrue dans la Ligue Can-Am comme l'an dernier, oui. À titre de frappeur désigné, mais début de saison lamentable pour lui. C'est ça. Puis, donc, un coup sûr ou deux coups sûrs d'affilée de Carenza hier ou avant-hier, c'est-à-dire hier, parce qu'avant-hier, il n'y a pas eu de match, aurait pu faire toute la différence. Mais c'est pas arrivé. D'ailleurs, il a pas joué hier. Fait que ça revient au même. Un manque de constance. Exactement. Merci beaucoup, Serge, pour votre appel. Ben, ça me fait plaisir, Simon. Félicitations encore pour tes bonnes, ta bonne narration. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye-bye. Donc, on venait s'entretenir avec M. Serge Gauthier. Donc, les Aigles qui s'inclinent ce soir, on le répète, par la marque de 5-1 sur les Jackals du New Jersey. Donc, les Jackals, comme un peu toutes les équipes cette saison dans la Ligue canadienne, ont le numéro des Aigles, ont balayé les deux séries face à la formation de Pierre-Luc Laforêt. Et on va prendre un dernier appel dans les prochaines secondes, mais je suis très content de vous parler ce soir. C'est la première fois qu'on effectue une tribune téléphonique. On fait des tests présentement, même si le son que j'entends est très, très répétitif. Si je m'entends en double, mais je fais de mon mieux pour communiquer avec vous présentement. Donc, soyez pas trop difficile à mon endroit en ce moment. Mais comme je mentionne, les Aigles vont aller à Rockland. Et là, rapidement, ce soir-là, moi, si je serais les joueurs des Aigles, je me réunirais en équipe. Une activité d'équipe peut-être ce soir ou demain pour rallier les troupes. La pire chose qui pourrait arriver aux Aigles présentement, ce serait que tout le monde blâme un autre joueur et au final, bien, l'équipe pourrait s'en aller un petit peu nulle part. Et là, la chance est belle pour les Aigles de se réunir en équipe demain sur une journée de congé. Soit le leader de cette équipe demain doit se lever, doit proposer une activité à ses coéquipiers pour que lundi, à Rockland, l'équipe soit prête à jouer du bon baseball. Mathieu, on a un appel? Oui, tout le monde veut parler du début de la saison. Simon, donc je te présente Maxime Lehoux. En ondes tout de suite. Bonsoir Maxime, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, donc parlez-moi un petit peu là, de ce match-là et du début de saison des Aigles. Qu'est-ce que vous pensez de la troupe de Pierre-Luc Laforêt? Ben écoute, moi je pense que le début de saison, je trouve qu'il manque d'ouvrage, d'ardeur du côté des Aigles. Dans quel sens ardeur? Est-ce que c'est à l'extérieur du terrain lorsque l'équipe n'est pas en action ou on parle lors des matchs précisément? Ben, je sais pas, peut-être qu'il manque un peu d'émotion, il manque une étincelle, quelque chose comme ça. Et selon vous, est-ce que cette étincelle-là est à même le vestiaire de l'équipe ou on doit aller chercher un nouveau joueur pour que l'équipe se mette à fonctionner? C'est pas l'attaque. Il manquerait un gros joueur, quelqu'un qui va créer une étincelle comme on parle au départ. Par contre, il n'y a rien de fini avec les Aigles. Non, ça, on compare ça un peu. J'en parlais beaucoup avec mes chums, là, puis on compare les Aigles souvent au début de saison des Ducks d'Anaheim. C'est vrai? Un de mes idoles, Bruce Boudreau, qui a reçu solidifier cette équipe-là, puis il est revenu fort. Et toi, Maxime, est-ce que tu crois que Laforêt est la personne qui est capable de souder cette équipe-là ensemble? Dur à dire. Écoute, Laforêt, il a fait des belles choses dans le passé, mais il faut qu'il resserre la vis. C'est sûr, s'il est capable de resserrer la vis, puis de sûr d'aller chercher du 109, ça nous fera pas de tort, mais s'il est capable de serrer la vis, on a confiance en lui. Moi, je crois que Laforêt, honnêtement, est l'homme de la situation. L'a prouvé l'an dernier. Et les gens qui vont jeter la pierre à Laforêt, ça n'a pas commencé. J'espère que les gens vont être respectueux et qu'ils ne blâmeront pas le gérant pour le mauvais début de saison, puisqu'il fait son travail. Je le vois travailler, rencontre tout le monde, mais au final, c'est sur le terrain, les bâtons ne frappent pas. Je suis pas un grand connaisseur de baseball, mais Laforêt, je sais pas quel homme de baseball pourrait le remplacer dans le coin. Ça, c'est certain qu'il y en a très peu, mais c'est certain qu'on trouverait, mais je crois que ça ne sera jamais l'avenue de l'organisation de vouloir changer de gérant. La solution doit passer par l'équipe qui est sur le terrain présentement ou encore par une nouvelle acquisition, mais rendu au mois de juin, tous les bons joueurs sont déjà sous contrat ailleurs, dans le baseball affilié, dans d'autres équipes, donc les Aigles doivent se débrouiller avec l'équipe qu'ils ont présentement sur le terrain. Est-ce vrai la rumeur que Pedro Lopez pourrait revenir? C'est un sujet qui on a abordé hier du côté de certaines personnes dans l'organisation. On dit que Pedro aimerait revenir à Trois-Rivières, mais lui, il joue au Mexique présentement et sa saison se termine seulement à la mi-juillet. Donc, à la fin du mois de juillet, on va voir des nouvelles du côté des Aigles, mais si ça se poursuit de la sorte, il va être déjà trop tard. Ouais, un joueur comme lui qui a une bague de la Série mondiale, là, ça ne ferait pas de tort. C'est vrai. Il n'a pas beaucoup d'expérience dans le vestiaire. On l'a vu, l'an passé, c'était l'année où il avait le plus de leadership dans le vestiaire des Aigles. Avec Herrera et Lopez et Brown, ça faisait un très beau trio. C'est sûr, c'est sûr. En terminant, est-ce que vous avez un dernier point à ajouter, dans Maxime, ou ça va comme ça? Non, non. Est-ce que je peux faire une salutation? Allez-y. J'aimerais bien ça saluer mon chum Raps, qui est à la TUC présentement. À la TUC? Oui, il fait une petite partie de bureau. Bon, excellent. Donc, on salue l'ami Rats de ce côté de la TUC et on vous souhaite une très bonne fin de soirée, Maxime. Merci. Au revoir. Donc, voilà, c'était le quatrième auditeur ce soir. Et c'est ce qui conclut cette ligne ouverte ce soir sur les ondes de Safou 89.1 FM. Désolé encore une fois pour mes prononciations pour cette émission d'après-match, puisque je m'entends en double et c'est très difficile. T'as de la misère, de communiquer. Simon? Donc, ce soir, les Aigles qui s'inclinent 5-1 sur le New Jersey. Je tiens à terminer à remercier Mathieu Plante qui a travaillé à la réalisation et mise en onde de ce reportage. Mon nom est Simon Laliberté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes et on se dit à jeudi pour un autre match des Aigles assez fou 89-1. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'était le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Pour connaître l'horaire de diffusion des prochains matchs sur nos ondes, visitez lesaigletr.com. Pourquoi les oreilles sont pas sèches? 97 au milieu de la 40. Campus de poste adolescent s'empare d'un local et branche des micros. Une trip qui flotte sur la terre, les deux pieds coulés dans trois rivières. Des animateurs toujours beaux et des admirateurs fous de radio. Vous êtes assez fou. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1.